En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-93-83. Défaite du Canadien hier 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus. Le dossier Carey Price fait jaser encore beaucoup à Montréal. Est-ce que c'est des journalistes qui partent en peur encore? Quoi qu'il en soit, on en parle avec notre collaborateur Stéphane Lebeau. Salut Steph! Stéphane, est-ce que les journalistes partent en peur? J'ai entendu Luc Gélinas d'RDS ce matin dire, et ça, je commence à trouver que c'était très intéressant comme hypothèse, et Carey Price serait blessé à l'aine. Puis quand tu regardes ça, ça traîne. On ne sait jamais quand est-ce qu'une blessure à l'aine peut guérir. Ça peut tarder à le guérir aussi. Ça aurait bien du bon sens. La même blessure que l'année passée. Une blessure, justement, comme tu expliques, qui n'est pas nécessairement toujours évidente à se rétablir. On ne sait jamais la vitesse à laquelle l'abducteur va se replacer en bas du corps. Donc, je pense que ça fait plein de sens, mais encore une fois, là, c'est de l'extrapolation, étant donné que c'est toujours un mystère maintenant, là, les blessures des joueurs du Canadien ou de la Ligue nationale. Est-ce que le silence que la direction du Canadien, parce que ça, on voit rien que ça dans la Ligue nationale, là, tu sais, au basket, t'as pas ça, au football, t'as pas ça également, tu sais exactement où ce qui est blessé. Est-ce que ça, c'est Bob Guéné qui avait inventé ça, blessé en haut du corps, bas du corps, complètement stupide comme règlement, mais tout ça, là, ça laisse planer le mystère, puis ça laisse place à des hypothèses, là. Bien, c'est sûr, ça fait en sorte qu'il y a plein de rumeurs qui peuvent partir, ben oui, d'extrapolation de part à gauche à droite. Bon, ils vont dire que c'est pas leur problème à eux, et eux, leur but premier, nécessairement, c'est de protéger l'athlète. Mm. Évidemment, un joueur comme Carey Price, c'est peut-être le joueur de la franchise, donc on veut pas déclarer au grand jour là, où il est blessé, advenant qu'un joueur parmi ceux de la Ligue nationale décidait là, de l'attaquer volontairement pour aggraver sa blessure. Donc, si on était dans les souliers de Marc Bergevin et de l'organisation du Canadien, peut-être qu'on passerait autrement, mais c'est sûr que ça laisse l'interprétation de bien des gens. OK. Hier, on a utilisé Victor Mété à l'aile. Mété a bien fait, mais moi, j'aime pas ça. Même s'il a bien fait, là, quelque part, là, pourquoi mêler un jeune? T'as été dans le recrutement aussi, t'as été dans le développement, Stéphane. Tu sais, oui, il a bien fait hier, mais pourquoi le trimballer d'un bord à l'autre? Oui, mais Danny, moi aussi, là, hier, quand j'ai vu Mété à gauche là, au début de match, j'étais hors de moi, je ne comprenais pas. Et bon, c'est après le match, là, il y a vraiment eu une situation extraordinaire. Créer une chance de marquer. On voit que c'est un bon joueur de hockey, il y a de la vitesse, puis il y avait eu quelques expériences chez les juniors. Mais au début, je me suis dit, coudonc, pourquoi qu'on le voit à défense? Mais c'est vraiment à la toute fin, là, ils n'ont même pas eu le temps de rappeler un joueur des Rockets qui était tout près à Laval. Donc, c'était vraiment une situation unique, pas idéale. Claude Julien était le premier à le reconnaître après le match. On a vu aussi Davidson combler quelques présences sur la patinoire à l'aile gauche vers la fin du match. On aurait pu décider de jouer à 7 défenseurs et doubler un ailier gauche. Je pense que ça aurait été peut-être plus à propos. C'était une décision de Claude Julien. Mais de toute évidence, il ne faut pas répéter l'expérience parce que c'est voué à l'échec de toute évidence. Hey, mais c'est parce qu'à quelque part, là, c'est mêlé un jeune aussi. Là. Mêlé un jeune pour rien. Là. Ben, c'est mêlé, oui, puis non. Ouais. L'année, on est rendu là à la Ligue nationale. Ouais. Comme je dis, si on poursuit cette expérience-là, là, à ce moment-là, je vais dire oui, tout à fait. Là, on commence à jouer peut-être... dans sa tête, mais si c'est vraiment pour dépanner un match, je ne pense pas que ça va faire du dommage aux jeunes loin de là. Anthony Niemi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ton rire en dit beaucoup, là. Ton rire, OK, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est un petit peu une cause de désespoir. Écoute, on parle d'aller chercher de l'expérience. J'aurais aimé ça qu'on aille chercher de la bonne expérience. Ben oui. C'est un joueur qui coûte pas cher, possiblement qu'on va s'en débarrasser en cours de route. Bon, la situation des gardiens de but, Montoya, et puis Price absent. On ne semble pas contrôler ni la blessure de Montoya, ni la blessure de Carey Price. Ouais. Donc, peut-être par mesure de sécurité, on n'avait pas d'autres alternatives. On ne semble pas faire confiance outre mesure à Foucalé et à McNevin actuellement. Mmh. Heureusement, et vraiment, Danny, heureusement que le jeune Lindgren joue du hockey extraordinaire. C'est lui, présentement, sans parler de sauveur, c'est lui qui garde l'espoir pour le Canadien d'une éventuelle participation aux séries éliminatoires. Écoute, il est le numéro un dans la Ligue nationale pour le pourcentage d'efficacité et le nombre de buts accordés par partie. Donc, avec les mêmes défenseurs, et je le répète, avec les mêmes défenseurs, que Carey Price et Montoya ont eu depuis le début de la saison, alors que Carey Price est à peu près 47e, je pense, l'efficacité des arrêts. C'est clair que, à quelque part, tu sais, et Price, en début, tu sais, Stéphane, en début d'année, en début de match, c'est important pour un gardien de but de faire les arrêts clés, hein. Et Price, en début, il y a eu plusieurs matchs qu'en début là, du match, il faisait pas les moutardites arrêts. Ça change la donne, ça, là. Ah, ben c'est certain. Un des gros problèmes du Canadien depuis le début de la saison, ce qui est expliqué là, leur début de saison, c'est en grande partie, oui, l'offensive, on le sait qu'elle n'a pas produit beaucoup. Mais si seulement Montoya et Price avaient été juste comme l'année passée en termes de pourcentage d'efficacité, ben le Canadien aurait peut-être gagné deux ou trois parties de plus et ça aurait donné une situation ou un portrait de la situation totalement différent. Non, effectivement. Stéphane, un gros merci. On se reparle dans une semaine, d'une couple de semaines. Ça me fait plaisir, Daniel. À bientôt. Collaborateur de hockey, Stéphane Lebeau.